Attention, please. Détachez vos ceintures. Allumez vos cigarettes. Vous embarquez sur l'Hudson. Les emmène vers des soutes à langage. Il y a cet homme qui souffre. Il a l'air de courir pour retrouver sa forme. Hier, j'étais contente. C'était comme on vit, danse. Aujourd'hui, rien. Je ne sais rien faire d'autre que regarder la terre, vivre avec elle. La terre et les humains, pauvres de fous. Vous avez besoin de parcelles de pouvoir, c'est normal? Il n'y a qu'en obligeant qu'on se sente exister. Ne changez rien. Les pires ne donneront pas leur peu pour un seul courant d'air. Je vous croyais plus loin. Depuis que vous le dites, mais rien n'y fait, vous restez à vouloir les envies du voisin. Un jour pousse l'autre, et la terre attend que vous l'ayez quittée. Ne croyez pas que vous soyez l'issue. Avant vous, les géants. Après vous, les prairies. Royaume du Gitan. Les pucelles, les nonnettes s'en iront aux ébats. Il n'y aura plus que vous, terreux, cherchant le sang, convoitant celle-là que vous disiez salope. Vous n'êtes pas assez lourd pour faire lasser la voûte. Vous êtes beaucoup trop sourd pour vous changer d'époque. Vous ne passerez pas l'air. En plus, quelques marmots de plus. Encore des ramonages, quelques loisirs. Confessants et huîtres, mutants en volant, donc vous êtes jolis. Avant que vienne l'âge de pousser des brouettes, vous vous êtes arrangé de choses faciles. La ville, ses secrets, son circuit piétonnier, ses pavés, vos savates compressés touristiques. C'est vrai que vivre vieux dans une voiture neuve, c'est mieux que défraîchir sous des traînées de poudre. Le péril est pour moi ne pas vouloir mollir, refuser l'inconscience, savoir qu'on aurait pu vivre autre chose que vous. Thank you. Je suis une humaine, je suis sur la terre. Et j'aurais bien aimé pouvoir faire autrement que subir vos balbutiements.